De tous les Français, celui qui tremblait plus fort était M. d'Ambreuse. L'état nouveau des choses menaçait sa fortune, mais surtout dupait son expérience. Un système si bon, un roi si sage, était-ce possible? La terre allait crouler. Dès le lendemain, il congédia trois domestiques, vendit ses chevaux, s'acheta, pour sortir dans les rues, un chapeau mou, pensa même à laisser croître sa barbe. Et il restait chez lui, prostré, se repaissant amèrement des journaux le plus hostiles à ses idées, et devenu tellement sombre que les plaisanteries sur la pipe de Flocon n'avaient pas même la force de le faire sourire. Comme soutien du dernier règne, il redoutait les vengeances du peuple sur ses propriétés de la Champagne, quand l'élucubration de Frédéric lui tomba dans les mains. Alors il s'imagina que son jeune ami était un personnage très influent et qu'il pourrait, sinon le servir, du moins le défendre. De sorte qu'un matin, M. d'Ambreuse se présenta chez lui, accompagné de Martinon. Cette visite n'avait pour but, dit-il, que de le voir un peu et de causer. Somme toute, il se réjouissait des événements et il adoptait de grand cœur, ouvrez les guillemets, notre sublime devise, liberté, égalité, fraternité, ayant toujours été républicain, au fond, fermez les guillemets. S'il votait, sous l'autre régime, avec le ministère, c'était simplement pour accélérer une chute inévitable. Il s'emporta même contre M. Guizot, ouvrez les guillemets, qui nous a mis dans un joli pétrin, convenons-en, fermez les guillemets. En revanche, il admirait beaucoup Lamartine, lequel s'était montré, ouvrez les guillemets, magnifique, ma parole d'honneur, quand, à propos du drapeau rouge, fermez les guillemets. Oui, je sais, dit Frédéric. Après quoi, il déclara sa sympathie pour les ouvriers. Car enfin, plus ou moins, nous sommes tous ouvriers. Et il poussait l'impartialité jusqu'à reconnaître que Proudhon avait de la logique. Oh, beaucoup de logique, diable! Puis, avec le détachement d'une intelligence supérieure, il causa de l'exposition de peinture où il avait vu le tableau de Pellerin. Il trouvait cela original, bien touché.